بسم الله الرحمن الرحيم، ندخل اليوم في السؤال 25. سئل الشيخ رحمه الله تعالى عمن يسأل بوجه الله فيقول أسألك بوجه الله كذا وكذا، فما الحكم في هذا القول؟ Donc il a été interrogé à propos de quelqu'un qui demande quelque chose par le visage d'Allah. Il dit par exemple, je te demande telle et telle chose par la face d'Allah. Qu'en est-il de cette expression ? فَعَجَبَ رَحِمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهُ اللَّهِ أَعْظَمْ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ بِهِ الْإِنسَانُ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا وَيَجْهَلَ سُوَالَهُ بِوَجْهِ اللَّهِ عَزَ وَجَلْ كَالْوَسِيلَةِ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلِ حُصُولِ مَقْصُودِهِ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي تَوَصَّلَ إِلَيْهِ بِذَلِكَ. فلا يقدم أن أحدهم أو أحد على مثل هذا السؤال أي لا تقول وجه الله عليك أو أسألك بوجه الله أو ما أشبه ذلك. Donc il a dit que le visage d'Allah est bien plus immense et sublime que d'interroger par son biais une personne, une chose de la dunya. C'est-à-dire c'est rabaissant. C'est rabaissant par rapport à cet attribut. C'est-à-dire que la personne prend un attribut d'Allah comme moyen pour demander à une créature une chose de la dunya. Cela ne revient pas à estimer Allah sa juste valeur. Donc il a dit qu'il ne revient pas aux gens de dire cela. De ne pas se servir du visage d'Allah pour demander à une personne une chose de la dunya. Et d'ailleurs, dans Kitab Tawhid, je précise, il y a un bab par rapport à ça. Il y a un hadith qui est faible qui dit la yus'alu bi wajhi Allah ila al-jannah, que l'on demande par le visage d'Allah que le jannah, que le paradis. Mais le hadith n'est pas authentique. Et de là, les ulama disent que en fait, on peut demander par le visage d'Allah autre que le jannah, mais on demande une chose qui rapporte ou qui rapproche du jannah justement. Pas les choses de la dunya. Quand dans le hadith, par exemple, dans le doigt, lorsqu'on rentre au masjid, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit As'alullah al-azim bi wajhi al-karim bi sultanihi al-qadim min ash-shaytan al-rajim wa a'udhu billahi al-azim bi wajhi al-karim bi sultanihi al-qadim min ash-shaytan al-rajim. Il a dit je recherche refuge auprès d'Allah l'immense par son noble visage, par son autorité ancienne du shaitan qui est lapidé. Donc là, à ce moment-là, est-ce qu'on a demandé le jannah? Là, on a demandé la protection auprès d'Allah contre le shaitan. Ce qui prouve que le wajh d'Allah, le visage d'Allah, on peut demander autre que le jannah, mais on rapporte que des choses liées à la religion, en fait, et pas à la dunya. Donc des gens n'ont pas à demander, je te demande telle chose par la face d'Allah, et ainsi de suite. Cela n'est pas correct. Thumma, je passe à la 26e question, qui elle est englobée dans la 27e question. يقول سئل الشيخ رحمه الله تعالى ومن الأذكار التي تقال كذلك إذا قال الإمام إياك نعبد وإياك نستعين يقول البعض استعنا بالله وإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قال أقامها الله وأدمها فما هو جوابكم على هذه. Donc il a été interrogé parmi les invocations des gens ils font, ou plutôt les invocations, les Azkar, lorsque l'imam dans la salat, il dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dans le Fatiha, c'est toi que nous adorons et c'est auprès de toi que nous recherchons de l'aide. Des gens ils disent Ista'anna billah, nous avons recherché de l'aide auprès d'Allah. Il dit ça à voix basse. Et lorsque le muazzin, celui qui fait l'azan, il dit Qad qamati salat, c'est-à-dire que la salat s'est rapprochée, le temps, c'est-à-dire la salat s'établit maintenant, des gens ils disent Aqamaha Allah wa adamaha Allah, que Allah l'établisse et qu'Allah la fasse durer. Ils disent Aqamaha Allah wa adamaha, qu'Allah l'établisse et la fasse durer la salat. Donc ça c'est comme un zikr, comme une invocation également. Donc qu'en est-il? Fajaba rahmallahu ta'ala amma qul al-ma'mum idh qala al-imam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ista'anna billah fa hadha la asla lahu وينهى عنه لأنه إذا انتهى الإمام من الفاتحة أما المأمون فتأمينه هذا كافي عن قوله استعنا بالله. Donc il a dit, le fait que celui qui est derrière l'imam dise, après qu'il ait dit إياك نستعين, qu'il dise استعنا بالله, c'est-à-dire nous avons recherché de l'aide auprès d'Allah, sauf que ça se dit en arabe bien sûr et pas en français, donc si quelqu'un dit ça استعنا بالله, tu l'entends le dire, il dit cela n'a aucune origine, il faut l'interdire. Car en fait, lorsque l'imam a fini de dire Al-Fatiha, qu'est-ce qu'on dit? On dit Amin. Et Amin, ça veut dire quoi? Istajib, répond. Donc il dit cela suffit. Plutôt que d'avoir à répéter ce que l'imam a dit dans la Fatiha. À la fin, tu dis juste Amin. Et ce Amin, c'est ce qu'il donne dans la Sharia. Et celui-là qui est l'invocation qui amène à demander à ce que Allah nous réponde. C'est tout. وَمَا قَوْلُهُ عِنْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا فَهَذَا قَدْ وَرَدَ فِيهِ حَدِيثٌ وَلَكِنْ فِي صِحَّتِهِ نَظَرٌ فَمَنْ قَالَهَا لَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَرَكَهَا لَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ. Donc il a dit, quant au fait de dire, lorsqu'on fait l'iqama, le deuxième azan qui est court, aqamaha Allah wa adamaha, que Allah l'établisse et la fasse durer la salat, il a dit qu'il y a un hadith qui a été cité dans ce sens, mais qui n'est pas authentique, du moins dont le degré d'authenticité est discutable. D'ailleurs, le Cheikh Al-Albani a affaibli le hadith. Donc il a dit, celui qui le dit, on peut le blâmer, celui qui ne le dit pas, on peut le blâmer. Non, voilà ce que l'auteur il a dit. Donc c'est en fait, par rapport au hadith, celui qui voit que le hadith il est faible, il n'a pas à le dire. Et celui qui voit que le hadith il est authentique, ben lui, par son ijtihad, il pourrait le dire. Mais le meilleur, lorsqu'on a un doute dans ce genre de choses, c'est ne pas le dire, car à la base, hadith al-ashiya mabniya al-yaqin, il faut sur la certitude des choses que l'on fait. Donc le meilleur, le plus prudent, c'est d'éviter, de peur de rentrer dans une bid'a ou ghayr zalika. Naam. هذا الذي قال المؤلف في هذين السؤالين والحمد لله رب العالمين.